Dès le départ, je pars de mon délire. Les mots, je démarche pas, je préfère les vomir. Remarque, on lâche pas, continue à tenir. Et chaque pas me pousse à poursuivre le combat. Échappe pas, qu'on va sévir si arrive le cas. La garde cap, pensez aux noms d'étapes. En passant, hein, pensez aux sentiments compacts. Pour le passé, à l'époque, les contrats comprend qu'on panique pas. Dans l'ombre, on prépare la contre-attaque. Les contres et les techniques qui font que tu prends des claques. Quand je pose des passes à l'acte, prose et prouesse vocale. Embrase instrumentale, le trésor de mon vocal à présent dans ton mental. On garde le cap, le reste on s'en tape, on s'en sache mal. 9, 7, 4, 7, une direction à garder, des traditions à sauvegarder. Bloc, note, bombarder, mon discours sera d'eau. On garde le cap, pas de doute, la même lutte nous en fout. 9, 7, 4, mon rap dans mes tripes, dans mes trous. On stop, pour des boîtes, pour des beats que t'écoutes. Et constate qu'on garde le cap, pas de doute. On garde le cap, pas de doute. La même lutte nous en fout. 9-7-4, mon rap dans mes tripes, pour mes trous. Non-stop, pour des boîtes, pour des beats que t'écoutes. Et constate qu'on garde le cap à tout. Le combat se passe ici et maintenant. Maintenir le cap, élever mon rap. Brave les tracks, graver mes tracks. Tu penses qu'à cette disque on pas, casse pas la tête. Ton disque on pense sans arrière-pensée en tête. Sur le sol pense des gens piètes. Horizon de pierre et soleil piègre. Même raison de fuir mais nous aspire, nous reste fiers. La vie m'inspire donc je laisse faire. Portes-tu la conquête du savoir qui me complète. Mon complainte, ça vaut le sort galette egg. Dans la bec un bon croconne. Local dialect sec qui fait que le son sonne. Intergalactique le phrasé que je prône. Pour que tu comprennes qu'on garde le cap non-stop. 9-7-4 pour sa constable. 9-7-4. On garde le cap, pas de doute, la même lutte nous en fout. 9-7-4, mon rap dans mes tripes, pour mes trous. Non-stop, pour des boîtes, pour des beats que t'écoutes. Et constate qu'on garde le cap, pas de doute. On garde le cap, pas de doute, la même lutte nous en fout. 9-7-4, mon rap dans mes tripes, pour mes trous. Non-stop, pour des boîtes, pour des beats que t'écoutes. Et constate qu'on garde le cap, pas de doute. On garde le cap, pas de doute, la même lutte nous en fout. 9-7-4, mon rap dans mes tripes, pour mes trous. Non-stop, pour des boîtes, pour des beats que t'écoutes. Et constate qu'on garde le cap. Pas doute, on garde le cap, pas doute, la même lutte nous en fout. 9-7-4, mon rap dans mes tripes, pour mes trous. Non-stop, pour des boîtes, pour des beats que t'écoutes. Et constate qu'on garde le cap, pas doute.